petits, les anciens nazis rêvaient de l'hyper-pesanteur. Comme le feu vers les morts, les petits corps blancs foncez vers les planètes, Jupiter de feu, Vénus de fer. Les petits corps blancs allaient s'écraser, alors ils se sont débattus. Ils ont secoué les drapeaux et battu le tambour. Sont des nazis, et les arabes sont leurs puces. Et tandis que les blancs grattent leurs puces, les anciens nazis en Bolivie se balancent dans leur hamac, ou dans le bronzé Bouddha doré. Sans cesse, ils se balancent dans leur hamac, car ils se souviennent du rêve. Sont lourds, tu fonces vers une planète inconnue, comme le fer vers les morts, Jupiter de fer et Vénus de fer. Et tu meurs, l'hyper pesanteur, et tu meurs.